il a une certaine image de la Bretagne et de la France, et puis à partir de ça, il veut essayer de bâtir quelque chose. Alors, finalement, la prise de conscience, qui je suis, tu te découvres breton comme il n'est pas permis de l'être, et tu penses que ton pays, ça existe, bon Dieu, terriblement. Tu te récupères, tu te regardes en face, tu te décolonises, tu es berbère, kabyle, breton. Donc voilà, on a toujours cette déclinaison-là qui revient. La difficulté à se dire. Toujours, hein. Ça c'est quelque chose qui est au cœur des textes que j'ai relus. Écrire en Bretagne, c'est la rage aux dents, sommer un peuple de réaliser le rêve. S'exposer au sarcasme et à l'incompréhension, et puis c'est respirer, autant que la colline et l'océan, l'ignominie, l'abjection, le grand champ merdeux de la péninsule amarrée. Donc là, c'est donc la préface qu'il écrit pour le premier recueil de Christian Quéguinaire. On voit bien quand même que cette parole qu'il souhaite porter, elle pose problème. On sent qu'il s'est toujours dans un processus de violence et que la difficulté est de passer à autre chose. C'est-à-dire qu'on a l'impression que j'ai, après avoir travaillé là-dessus, c'est qu'on est en Bretagne dans la revendication, la colère, la révolte, l'écœurement, mais on ne transforme pas trop. En fait, ce que disait Graal, hein, que les gens étaient prêts à le suivre sur le plan de la dénonciation, mais qu'après, il n'y avait rien qui se passait. Et je crois qu'il y a un essoufflement qui se produit aussi à partir de là. Donc, chez Césaire, on a des choses... Ah non, je ne sais plus si j'ai mis... Voilà. Où on va avoir, à la fin du cahier du retour au pays natal, on est dans quelque chose, la prise de conscience a eu lieu, la révolte a eu lieu, l'affirmation de soi va enfin pouvoir se faire. Hein. Donc après la prise de conscience de l'identité, de l'affirmation, il ose s'affirmer, il trouve des mots et la résonance des mots pour dire finalement qui on est dans ce monde. Donc la parole d'Aimé Césaire me semble puissante parce qu'elle est portée par une histoire, par effectivement des blessures successives et incontestables, mais aussi par une identité assumée. Parce qu'il dit ici, et nous sommes debout maintenant, mon pays et moi. C'est-à-dire que le poète porte-parole, il se sent en parfaite adéquation avec son pays. Et donc, il est effectivement porté par une dimension collective incontestée. Donc, les cheveux dans le vent, ma main petite maintenant dans son poing énorme. Et la force n'est pas en nous, mais au-dessus de nous, dans une voix qui vrille la nuit et l'audience comme la pénétrance d'une guêpe apocalyptique. Et la voix prononce que l'Europe nous a pendant des siècles gavés de mensonges et gonflés de pestilence. Mais ce qui est très important ici, c'est le nous, quoi. Le passage au nous, hein, on constate et après on est porté par un collectif. Finalement, donc facile après pour lui de glisser vers ce que c'est que sa négritude. Hein. Ma négritude, bon, il l'a définie dans ce passage-ci par la négation, mais après il en parle en termes positifs. Ma négritude n'est pas une pierre, sa surdité ruée contre la clameur du jour. Ma négritude n'est pas une tête d'eau morte sur l'œil mort de la terre. Ma négritude n'est ni une tour ni une cathédrale. Elle plonge dans la chair rouge du sol, elle plonge dans la chair ardente du ciel, elle troue l'accablement opaque de sa droite patience, et il y a, pour ceux qui n'ont jamais rien inventé, pour ceux qui n'ont jamais rien exploré, pour ceux qui n'ont jamais rien dompté. Donc là, il décline, en fait, ce que pour lui, les Antillais, du point de vue du discours du français, n'ont jamais été capables de faire. Mais bien sûr, il y a aussi de l'ironie derrière tout ça. Donc, s'il refuse à se laisser aller à la haine, Césaire n'oublie rien de l'esclavage ni des humiliations subies. Après avoir évoqué un lourd passé de dépossession de soi, il semble accepter tout cet héritage douloureux. Et c'est là peut-être aussi une différence que je perçois par rapport à la parole des Bretons, hein, parce qu'il dit aussi, hein, le bon nègre à son maître, il n'oublie rien, il regarde avec lucidité ce qui s'est passé. Mais il se tourne vers autre chose, vers une identité positive, il renoue pleinement avec son pays, parle en son nom et parle avec lui, dans un nous légitimé par le poème. Donc c'est vrai que Césaire écrit, quand il écrit ce texte, hein, c'est une partie de ce qu'il entrevoit de possible pour l'avenir des Antilles, mais la première version du cahier date des années 30, hein, donc il est tout jeune, et c'est vraiment un cri, c'est pas forcément... Au début, l'objet d'une réflexion, etc. Les choses vont se construire petit à petit. Alors, du côté de Sangor, j'en ai parlé un petit peu moins. Alors, chez lui, bah, y a carrément le pardon. Hein. Seigneur, Dieu pardonne à l'Europe blanche. Oui, Seigneur, pardonne à la France qui dit bien la voie droite et chemine par les sentiers obliques, qui m'invite à sa table et me dit d'apporter mon pain, qui me donne de la main droite et de la main gauche enlève la moitié. Donc, en même temps, y a de la lucidité hein, par rapport à la position de la France, mais... Effectivement, lui passe par le pardon, peut-être, voilà, c'est ça, peut-être sa nécessité à lui. Hein, donc pour Sangor, on est dans la nécessité du métissage. Hein, Sangor n'imagine pas justement la francophonie africaine sans le métissage, sans l'alliance du blanc et du noir. Donc il n'est pas dans l'opposition comme peut l'être un peu Césaire et pas comme peuvent l'être nos poètes bretons. La civilisation idéale ne saurait être que métisse, comme le furent les grandes civilisations de l'histoire. Supériorité parce que liberté du métisse qui choisit où il veut, ce qu'il veut pour faire, des éléments réconciliés, une œuvre exquise et forte. Bon, ça c'est ce qu'il a écrit, bien sûr, ça lui a aussi été reproché, mais bon, voilà, de son point de vue, au moment où il écrit ce texte là, en 1950, c'est le métissage qui va être la voie, la possibilité de poursuivre. Voilà, donc, toujours dans la même partie avant d'arriver à la fin, comment pourrions-nous avoir peur de ne pas paraître assez ce que nous sommes ? Nous sommes bretons, nous n'avons pas à nous costumer. Nous sommes révolutionnaires, nous n'avons pas à gesticuler. Nous sommes des poètes, nous n'avons pas à jargonner. La vérité n'a pas besoin de se faire vraisemblable et nous pouvons affirmer notre volonté de parole sans nous forcer à nous noircir à cause du blanc, à nous blanchir à cause du noir. On retrouve toujours quand même un petit peu ces points de comparaison. Finalement, cette petite phrase de Paul Keinec dans son préambule au texte qui est sorti l'année dernière m'a quand même laissé perplexe. Nous autres Bretons n'avons pas réussi à imposer notre façon d'être français. Donc ça veut dire qu'on n'a pas réussi à trouver le langage qui peut porter une parole pleine et entière et pas forcément qu'une parole qui... se sent à moitié parole, à moitié légitime et à moitié chaotique. Du coup, donc, j'en viens à ma dernière partie sur les échos, les résonances au plan littéraire, où là, effectivement, j'ai vu sur certains thèmes, il y a des points communs, sur la notion très vivante et vivace d'oralité dans le poème, sur l'idée de métissage et sur le lien à la langue française. Alors, bien évidemment, pour l'écrivain qui écrit en français et qui vient éventuellement donc d'un autre pays, c'est encore vrai actuellement. La question centrale, évidemment, d'écriture, c'est d'être publié hein, et donc d'être édité. Donc, on revient toujours finalement à comment écrire dans une langue qui n'est pas forcément la langue maternelle ou une langue qui semble trahir une implication politique, parce que si j'écris dans la langue de l'oppresseur ou colonisateur, est-ce que je trahis mon pays ? Ça a été l'exemple, par exemple, de Kateb Yassine, hein, qui est un auteur algérien très connu, qui était évidemment pour l'Algérie indépendante, qui était un auteur de langue française et qui, après la guerre d'Algérie, se dit « je ne peux plus écrire, ma langue d'expression, c'est le français, et je ne peux plus maintenant continuer, après avoir milité pour l'Algérie algérienne et l'indépendante, je ne peux plus continuer à écrire en français, donc comment je fais ?» Donc il cesse d'écrire, parce qu'il ne peut pas passer non plus à l'arabe, donc les choses sont très complexes. Bon, finalement, il va monter, écrire des pièces de théâtre, et puis il va monter une troupe, et bon, il va quand même faire quelque chose, mais finalement, on peut aller jusque-là, c'est-à-dire le silence imposé par le choix de ne plus écrire dans la langue du colonisateur. Donc, quelle reconnaissance doit-on chercher par rapport à Paris quand on se sent dans cet entre-deux linguistique, culturel, identitaire ? Donc, on est toujours quand même dans la question centrale de la langue qui se décline dans la relation à la maison d'édition qui va donner le « là » finalement de la reconnaissance potentielle de l'institution. Donc, le Centre parisien fait et défait les réputations, délivre les prix. Les médias jouent également un rôle important dans la médiatisation ou non d'un auteur. Donc, difficile pour les auteurs bretons de faire fi des éditeurs parisiens. Bon, et on on voit bien quand on lit un petit peu ce qui se passe dans les années 70 que les auteurs bretons se jettent un peu la pierre. Graal dit oh bah oui, Keinec, il est allé chercher Gallimard, Aragon, etc. Et puis quand lui-même cherche des auteurs parisiens qui le refusent, peste parce que les Français ne veulent pas de lui, etc. Mais bon, il a aussi tenté le coup. Hein, c'est-à-dire que malgré tout, la notoriété, elle passe par Paris. Et on a un peu la même chose, enfin les mêmes genres de discussions aujourd'hui sur les écrivains francophones. Bon, est-ce qu'on peut être facilement édité, diffusé à Paris, en Afrique, ou bien est-ce que c'est quand même plus commode de passer par une grosse maison d'édition parisienne qui va assurer une diffusion large et une connaissance, reconnaissance médiatique, etc. Donc on est toujours, hein, évidemment, c'est des rapports au pouvoir aussi. Hein. Mais c'est très amusant de voir comment ils se jettent la pierre les uns aux autres, alors qu'ils font tous en gros la même chose. Alors, dans les thèmes, bon, évidemment, je pourrais nous entretenir encore pendant des heures là-dessus, rassurez-vous. Dans les thèmes récurrents, j'ai trouvé l'idée que finalement, on a des êtres humains qui deviennent des soldats au service de la France. On a une figure récurrente chez Léopold Sédar Senghor qui est le tirailleur sénégalais. Et en Bretagne, on a le pendant avec le soldat de 14-18, hein, l'hécatombe, etc., pour la France. Mais le tirailleur sénégalais, il est vraiment récurrent chez Senghor. Vous, tirailleur sénégalais, mes frères noirs à la main, chaudes sous la glace et la mort, qui pourra vous chanter si ce n'est votre frère d'armes, votre frère de sang ? Je ne laisserai pas la parole aux ministres et pas aux généraux. Je ne laisserai pas, non, les louanges de mépris vous enterrer furtivement. Vous n'êtes pas des pauvres aux poches vides sans honneur, mais je déchirerai les rires bananiens sur tous les murs de France. Donc c'est vrai que souvent on a un petit peu ironisé sur Senghor, etc. Bon, il écrit quand même des choses, hein, aussi. Il consacre un autre poème aux tirailleurs sénégalais. Voici le soleil, on fleurit les tombes, on réchauffe le soldat inconnu. Vous, mes frères obscurs, personne ne vous nomme. Écoutez-moi, tirailleurs sénégalais, dans la solitude de la terre noire et de la mort. Écoutez-moi, tirailleurs à la peau noire, écoutez-nous. Mort étendu dans l'eau profonde des plaines du nord et de l'est, recevez ce sol rouge sous le soleil d'été, ce sol rougi du sang des blanches hosties. Recevez le salut de vos camarades noirs, tirailleurs sénégalais, morts pour la République. Dans le même recueil, il parlera aussi des... donc il donne de l'importance aux tirailleurs sénégalais, mais il consacre aussi un poème aux soldats négro-africains qui participent à la libération de Paris. Il est très admiratif de ces hommes qu'il voit. « J'ai touché seulement la chaleur de votre main brune, je me suis nommé Africa. Et j'ai retrouvé le rire perdu, j'ai salué la voix ancienne et le grondement des cascades du Congo. » Il y a quand même l'homme noir, voilà, il fait un autre poème pour un FFI noir qui est blessé. Du côté des Bretons, 14-18, le Breton est un homme volé, une âme volée. Quand je passe sous l'arc de triomphe, je me dis que le corps enseveli là a beaucoup de chance, façon de parler, d'être de ma patrie. 280 000 crevés en 14-18, avez-vous mesuré l'hécatombe ? Donc il y en a d'autres. Nous autres ici en Bretagne, nous ne sommes bons qu'à faire la guerre. Ils sont 240 000 qui dorment là-bas aux frontières, des Bretons honnêtes et vaillants. Ils dorment depuis 1914 et il y en a bien eu autant à revenir blessés ou à mourir tuberculeux. Qu'il est triste pour une mère, pour un père, d'avoir un enfant que l'on contraint à aller se battre là-bas du côté de l'Algérie. Et je repars sur aussi la figure de l'Algérie. Ça, c'est une chanson d'un agriculteur... je crois, du coin de Poulaouen, Ifik Pichon, qui est cité dans l'anthologie aussi de Piriou, c'est un texte de 1961. Donc voilà, hein, la figure du soldat, finalement, utilisée pour la France. Alors, la question centrale de l'oralité, j'en ai parlé déjà, c'est une question vraiment importante pour tous les textes francophones, c'est-à-dire qu'il y a un moment pour les auteurs francophones où le fait de se questionner sur finalement qui on est, d'où on vient, c'est aussi quand on recherche un langage, on va utiliser les ressources qui sont les ressources de sa culture d'origine et souvent très orales. C'est le cas en Afrique, mais c'est le cas aux Antilles. Et finalement, on va retrouver cette recherche de l'oralité dans le poème, peut-être contre le discours, mais de l'oralité très fortement chez les auteurs des années 70. Hein, alors ici, une petite réflexion de Piriou, justement, sur comment on considère mal la valeur de l'oralité, parce que c'est pas de l'écrit, donc c'est pas intéressant. Donc il y a des pans entiers de culture comme ça. Ça a été dans les discours des colonisateurs, hein, puisqu'il n'y a pas de culture, puisqu'il n'y a pas de phrase écrite. Hein. Donc bon, je vous laisse découvrir cette remarque. Hein. Mais de nombreuses civilisations africaines n'ont pas connu l'écriture avant le XXe siècle. Faut-il pour autant conclure que les Africains ont vécu jusque-là privés de toute culture ? Donc il va faire le parallèle, bien évidemment, avec la culture traditionnelle bretonne. Alors il y a une musicalité aussi, dans une recherche de musicalité liée fortement à cette problématique de l'oralité. Par exemple, un extrait de Graal, un extrait de Sangor. Avant cette guerre, voici donc une plainte. Elle eût pu s'appeler Keltiaglem. Si j'ai choisi le mot blues, c'est parce qu'il m'apparaît que nous sommes encore les nègres de ces messieurs les Français, et ça tout le monde le comprend. C'est un blues mélancolique, c'est un blues nostalgique, c'est un blues indolent. Et là, Léopold Sédar Senghor. Donc le blues, c'est aussi la chanson, enfin la musique de la tristesse, hein, de la mélancolie, de la nostalgie. On a une présence forte des instruments traditionnels africains dans les textes de beaucoup de Senghor. Chez Graal aussi, on en retrouve beaucoup de jazz, de blues, donc ça donne beaucoup d'oralité. Alors, on reproche aussi beaucoup aux auteurs francophones de faire de l'exotisme. C'est-à-dire, si j'utilise un terme qui est lié à ma culture et qui est donc totalement lié au référent, est-ce que je fais de l'exotisme ou est-ce que j'appelle un chat, comme dit Senghor ? Il ne s'agit pas de faire du pittoresque comme on lui reproche souvent. Quand nous disons cora, balafon, tam-tam et non harpe, piano et tambour, nous n'entendons pas faire pittoresque, nous appelons un chat un chat. Parce que je fais référence à mon univers. Un extrait donc d'un texte de Xavier Graal, Kerouac est mort. Il y aura demain sur sa sépulture des goélands venus du Finistère, la guerce dans le bec. Il y a un blues qui chauffe dans le cœur des femmes, il y a un pline qui endiable la fête de nuit, il y a un homme qui marche sur la route, il y a la Californie. Ici, c'est donc évidemment un texte en référence avec Kerouac, mais la guerce, le pline, est-ce que ce sont des mots plus exotiques que le blues dans le même texte ? Donc là, c'est quand même, à mon avis, un procès d'intention, mais ça montre bien que le rapport à la langue française doit s'inscrire dans un rapport lié à une doxa. Hein. Sinon, alors, pour Senghor, le but, c'est d'être des précurseurs, d'ouvrir la voie à une authentique poésie nègre qui ne renonce pas pour autant à être française. C'est là donc tout l'enjeu, toute l'ambiguïté, évidemment, pour les auteurs francophones de façon générale. Chez Senghor, c'est néanmoins parfois douloureux aussi. Hein. Quand il est fait prisonnier en 40, il écrit un très joli texte à sa mère où il a l'impression qu'il est en train de perdre toutes les langues par lesquelles il a été baigné. Hein, il a froid, il n'est pas bien. Voici que je suis devant toi, mère, soldat aux manches nues. Donc, je sais plus, ça c'est un texte, je crois, de 40 ou 41. Et je suis vêtue de mots étrangers, où tes yeux ne voient qu'un assemblage de bâtons et de haillons. Si je te pouvais parler, mère, mais tu n'entendrais qu'un gazouillis précieux et tu n'entendrais pas. Mère, parle-moi, ma langue glisse sur nos mots sonores et durs. Ah, me pèse le fardeau pieux de mon mensonge. Donc, voilà, le mensonge. Après, il dit, je ne suis plus ce fonctionnaire connu, etc. Il se pose aussi beaucoup de questions là, dans cette situation tragique dans laquelle il est. Donc, ce n'est pas non plus si simple, même s'il est pour le métissage, etc. Bon, lui-même, émotionnellement, a aussi parfois du mal à rompre hein, avec ces langues perdues du royaume de l'enfance, une certaine nostalgie du pays natal aussi qui peut se produire. Mais bon, chez Senghor, on a l'impression qu'il s'agit de s'approprier au plus juste une langue française qu'il savoure. Il aime la langue française, alors que chez les auteurs bretons, on sent une relation, pas de haine, mais vraiment très, très forte opposition. Il cherche à la recomposer un petit peu, comme la nourrir comme un terreau sur lequel on pourrait faire pousser quelque chose de nouveau, donc traversé par une sorte de langue sous la langue, des images insolites pour le lecteur français. Mais bon, Sartre, par exemple, disait que César était un grand écrivain francophone, capable de retourner la langue du colonisateur contre lui pour faire résonner les échos donc là, de la tragédie de Patrice Lumumba. C'est une pièce qu'a écrite César. Donc on sent aussi cette reconnaissance chez Sartre de la capacité des auteurs antillais à faire surgir dans la langue française quelque chose de très nouveau. Donc finalement, un point clé qui est l'image, bon, j'aurais pu beaucoup développer cet aspect littéraire, il y a une forte influence chez les uns et les autres, évidemment, de la révolution du langage qui passe par le surréalisme. André Breton a salué le talent de Césaire, a soutenu, a fait la préface du cahier, donc il l'a rencontré. Bon, il y a une forte admiration et chez Césaire et chez Senghor de Breton et du surréalisme. Finalement, ils vont utiliser cette conflagration, le rapprochement inopiné de deux termes qui vont créer des langages, des images propres à un langage nouveau. À mourir à l'enfance, que meurt le poème, se désintègre la syntaxe, que s'abîment tous les mots qui ne sont pas essentiels. Le poids du rythme suffit, pas besoin de mots ciment pour bâtir sur le roc la cité de demain. Donc on a ces influences-là, comme il y a des influences aussi de Saint John Perse, etc., sur Césaire. Hein. De toute façon, on n'écrit pas à partir de rien, on ne peint pas à partir de rien. Quand on crée une pièce musicale, eh bien, on s'inscrit dans quelque chose. Hein, l'innutrition aussi, c'est ça. Alors, dans les textes de Césaire et de Keinec, on sent un grand souffle épique, et je vais faire après une comparaison entre les deux. Et voici soudain que force et vie m'assaillent comme un taureau, et l'onde de vie circonvient la papille du morne. Et voilà toutes les veines et vénules qui s'affairent au sang neuf, et l'énorme poumon des cyclones qui respire, et le feu thésaurisé des volcans, et le gigantesque pouls sismique qui bat maintenant la mesure d'un corps vivant en mon ferme embrasement. Une seule phrase. Donc, du souffle. Et du souffle aussi chez Keinec, bah, dans ses premiers recueils, parce que plus il vieillit, plus il écrit court. Alors s'élève la vague des enfants nouveaux, puis là, bon, dans le souffle épique, on sent ce rythme-là, puis en même temps une vision positive, envahissant les jours noirs et rouges du calendrier, les lettres enluminées de l'alphabet des pauvres, des pentes ravinées du pain, abattant à coups de hache les chemins qu'on leur avait déjà tracés. Empierré et concassé. Mon pays est lourd et mouvant comme la mer qui se prend aux ronces des rochers et se déchire sans bruit à la coque des bateaux. Mon pays vagabonde, transparent dans le miroir des golfes tissés de sel. Mon pays s'incruste le long du chemin de fer. Mon pays m'aveugle et m'étouffe dans ses milliers de bras. Donc, on sent quand même, mon pays m'aveugle et m'étouffe dans ses milliers de bras. Keinec va quitter la Bretagne. Mais bon, sa relation au pays est quand même extrêmement complexe, quoi, aussi. Parce qu'il va sentir claquemuré dans cette image du poète porte-parole dont on va attendre de lui, qui porte et qui trace une voie, et il va se sentir à un moment désengagé, devoir se désengager de ça. Donc, la poésie du cri, il me reste juste quelques transparents. On voit ici, j'ai mis en deux colonnes le texte de Césaire à gauche, celui de Keinec à droite. Le poète de l'engagement, c'est un poète qui crie. Alors, avec une émotion contenue, hein, c'est pas un cri forcément déchirant. Et dans cette ville inerte, cette foule criarde, si étonnamment passée à côté de son cri, comme cette ville à côté de son mouvement, de son sens, sans inquiétude, à côté de son vrai cri. Le seul qu'on eût voulu l'entendre crier, parce qu'on le sent sien, lui seul, parce qu'on le sent habiter en elle dans quelque refuge profond d'ombre et d'orgueil, dans cette ville inerte. Cette foule à côté de son cri de faim, de misère, de révolte, de haine, cette foule si étrangement bavarde et muette. Ça, c'est le constat, hein, c'est l'ouverture du cahier. Voilà. La foule est même à côté de son cri, quoi. Elle ne sait même plus qu'elle a faim, qu'elle est dans la misère. Nos cris se répercutent de porte à sentier, d'écho à rivière, de pluie à printemps. Nos cris se répandent comme des lasses, nos cris se font source, nos cris se font fleuve, courts, rampants, haletants, brisants. Nos cris sombres de joie féroce et noirs de liberté. Donc, voilà, la parole est à dénouer. Alors, on a beaucoup aussi, bien sûr, de structures anaphoriques, c'est-à-dire ces répétitions qu'on va retrouver en début de vers, vraiment récurrentes chez les deux. Voici venir dans les champs majuscules les filles chaudes, les filles aux gorges tièdes, les filles de soufre et de safran, les filles éparses dans l'ogive des arcs-en-ciel, fléchissant, les filles prostituées prenant le train et le bateau. La mort est un oiseau blessé, la mort décroît, la mort vacille, la mort est un paturia ombrageux, la mort expire dans une blanche mare de silence. Donc on voit quand même des parallèles, des échos vraiment dans la structure même des textes. Alors ici, petite parenthèse, c'est un texte de, un des seuls textes de Keinec où il parle des femmes. J'ai trouvé aussi en étudiant ces auteurs-là que les auteurs antillais et africains évoquent beaucoup la figure de la femme. Hein. C'est vraiment un thème, enfin, elle devient un motif. Ce qui n'est pas le cas chez les auteurs bretons. Et là, c'est vrai que c'est un des passages où il y a une femme, mais bon, finalement, c'est la fille. Hein. Et puis, dans quelle position, dans quelle posture, dans quelle image de la femme. Alors, la relation au français, hein, toujours pareil. Comment se fait-il qu'il existe une poésie bretonne de langue française ? Alors là, très intéressant, ce qui fait le parallèle aussi avec les Noirs. Il ne suffit pas pour cela qu'il y ait en Bretagne des poètes s'exprimant en français. Il faut encore que ces poètes aient conscience de parler breton, même dans une langue étrangère imposée ou non, comme par exemple le français. Pour cela, une saisie politique de l'existence d'un peuple breton est nécessaire. Tout comme, dans la même situation, le poète noir qui écrit en français doit saisir qu'il est noir pour cesser d'écrire dans la langue française et parler enfin dans la langue noire, même si c'est avec des mots français. Ce changement est véritablement une révolution. Il faut suivre son cheminement. Quand on a lu trois fois, on comprend effectivement où il veut en venir. Donc, c'est vrai que dans les textes donc on a vu là, de Césaire et puis de Paul Keinec, hein, on sent un souffle épique autour de cette question centrale de l'identité individuelle, de l'identité collective, de la découverte ou de la redécouverte du lien étroit que tisse chacun de ces poètes avec son pays. Avec cette terre qu'il relie, hein, ici, qu'il relie dans le sens de relire à la lueur du passé et du présent. Il y a des images singulières, des structures répétitives, un accent lyrique qui affleure et qui donne à ces deux recueils une tension émotionnelle très forte. Le cri est souvent contenu et c'est sûr une grandeur incontestable. On sent de toute évidence une influence du surréalisme dans la composition des images et la liberté de jeu avec la langue, mais il y a là aussi besoin et désir d'inscrire sa voix en rupture avec une certaine conception de la poésie française. Donc voilà comment se dire finalement on en est là. Très intéressant de voir chez Paul Keinec la découverte finalement de la langue. L'autre français, j'ai grandi avec, c'était une langue et ça n'était pas une langue. Ma surprise le jour de la rentrée, quand je constate qu'autour de moi, beaucoup ne parlent que l'autre français. Peut-être que je commence à comprendre la façon dont on devient objet de dérision et quand la honte vous colle à la peau, c'est pour la vie. Donc toujours l'ambiguïté de le breton, c'est l'autre français. Il y a le français, il y a l'autre français. C'est assez. Bon, ça c'est nouveau, hein. Il ne l'expliquait pas comme ça dans les années 70. Sans avoir jamais rien publié, j'écris en anglais. Hein, donc, apparemment, sa mère lui parlait anglais, hein, de ce que j'ai cru comprendre à travers mes lectures. J'y trouve un sentiment de liberté inexprimable qui trouve là à s'exprimer. D'autres mécaniques, d'autres tentatives, d'autres vidanges, alors que je me sens ligotée par le français. La difficulté à se dire. Toujours dans cette langue française. Ici aussi, toujours l'idée de la colonie. Longtemps, j'ai cherché dans la littérature française un modèle, un tuteur, et j'ignore si je trouverai jamais de ce côté-là les mots qui me conviennent et la structure qui doit dormir en moi. Je bégaye, je bafouille. Je suis un colonisé de la francophonie, non nouveau de leur empire. Donc, toujours les difficultés hein, par rapport à cette langue française. Alors, finalement, avant que j'arrive à ma conclusion, nous constatons donc à l'issue de ce travail que les auteurs bretons des années 70 ont souvent vu dans la condition des bretons un reflet du colonialisme. Image du breton dominé, exploité, exilé, soumis, comme a pu être représenté le noir ou le nègre dans la littérature. Les impacts de la guerre d'Algérie et de la décolonisation en marche sont forts chez ces écrivains bretons et réactivent la rupture avec la France ou avec une certaine image de la France dans laquelle ils avaient bercé. Dès lors, le questionnement profond sur l'identité, la langue d'écriture, les travails et sont douloureusement résolus, s'ils sont résolus en Bretagne. Il me semble qu'il reste dans la problématique soulignée par Patrick Chamoiseau, qui dans un livre que je vous recommande vivement, « Écrire en pays dominé », il est très, très beau, très riche. Ça s'appelle, le titre c'est « Écrire en pays dominé ». Comment écrire ? Alors que ton imaginaire s'abreuve, du matin jusqu'au rêve, à des images, des pensées, des valeurs qui ne sont pas les tiennes. Comment écrire quand ce que tu es végète en dehors des élans qui déterminent ta vie ? Comment écrire ? Dominer. Je soupçonnais que toute domination, la silencieuse plus encore, germe et se développe à l'intérieur même de ce que l'on est. qu'insidieuse, elle neutralise les expressions les plus intimes des peuples dominés. Il me fallait alors interroger mon écriture, longer ses dynamiques, suspecter les conditions de son jaillissement et déceler l'influence qu'exerce sur elle la domination qui ne se voit. Donc, Chamoiseau, il a été pris Goncourt, mais bon, c'est un écrivain qui se situe dans la mouvance d'Édouard Glissant, donc on a toujours une grosse production hein, et réflexion du côté des écrivains antillais. Senghor et Césaire bénéficient d'une reconnaissance dans la littérature francophone. Bon, bien sûr, hein, ici la négritude a ses détracteurs. Les écrivains antillais se positionnent néanmoins dans un héritage qu'ils peuvent poursuivre ou qu'ils peuvent mettre de côté. Hein, il y a quand même un effet d'onde, il y a de belles plumes et beaucoup de plumes justement du côté des Antilles, du côté aussi de l'Afrique francophone. Dans la mouvance d'Édouard Glissant, de ce sentiment d'appartenir à la sphère des Antilles, à une géographie un peu archipélique, où on voit aussi beaucoup de métissage dans leurs œuvres, hein, dans beaucoup de créoles et dans le français. Donc, il est plus difficile, à mon avis, d'être optimiste sur la capacité des auteurs bretons à renouveler une approche formelle. Hein, ici, c'est aussi les conclusions de Marc Gontard dans sa dernière étude sur les auteurs bretons de langue française. La plus grande difficulté à réinventer un langage propre, novateur, qui pourrait les inscrire donc, dans une littérature ouverte et puis vraiment renouvelée, revivifiée. Nous devons donc, je crois, hein, même collectivement, nous demander pourquoi se dire est si difficile pour les Bretons, en tout cas par les mots, peut-être que par la musique ou par d'autres aspects artistiques, c'est plus fécond. À titre personnel, donc, je pense qu'il faut qu'on cherche ces raisons complexes, dans la mesure où ça me semble être la seule possibilité pour dépasser justement ce qui entrave cette voie-là. Il serait intéressant de poursuivre un travail entamé dans les années 70, excessif sûrement à bien des égards, mais aussi très dynamisant, et portant haut une parole trop souvent réduite à une expression qui ne parvient plus à transformer les germes, les germes de sa singularité. Donc il me semble que là, on a du travail encore pour tout ça. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Bon, je suis sortie du cadre. C'était vraiment très, très stimulant. Je crois qu'effectivement, on a de quoi travailler. Ça fait du bien de ces très revivifiant de retrouver ces textes qu'on a découverts pour certains dans les années 70, d'autres un peu plus tard, que d'autres peut-être parmi nous ne connaissent pas ces textes des années 70. Et puis cette comparaison avec les auteurs noirs, c'est vraiment au cœur de notre travail. Donc, on va passer à la deuxième étape, l'étape de la discussion avec la salle. Avant, on fait la petite pause rituelle. Et la question rituelle, qui reste manger ce midi? Et oui, sachant que je paye l'apéro en plus ce midi. Tu rates, hein, c'est donc, voilà. Allez, levez bien haut la main, ceux qui restent. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, je ne restez pas vous. Et alors, vous restez ou pas? Vous vous tâtez? Ils vont rester. Allez, ils vont rester. Voilà. Donc, 2 de plus, et puis. Voilà, on fait une petite pause. Et puis on reprend.